Fais la presse, envoie le Ricard, la Kémia. Bienvenue à Massilia, où sont nés les Mia. Par milliers, tu peux pas le nier. On a la classe, en place, personne nous remplace. L'accent, les sables, les femmes, le soleil, la mer. Si jamais il neige, c'est la guerre. Si tu viens de Paris, je suis prêt à parier que tu voudras te marier, vivre au panier. Pourvu qu'il y ait une bonne scène à la plaine, au Courju, au vieux port, ça sent le vieux mort. Mais c'est trop calé, du Marengo trollé, en passant par les pierres du Haut-Malais. En manque de ch, on te verra dans les bars de l'opéra. Pendant que je me choque un boulette en sauce au stop. Marseille c'est la détente, partie de pétanque, gâti pétante. D'où je viens, les caillots, là où ça l'art le pème, le louche bème. Là où ça la peurème depuis que t'as la couche pleine. Faut que tu goûtes la crème, le bon pollen. Sorti du QN à ta santé, j'ai la coupe pleine. Oh yeah, Marseille. Le soleil, la plage, prépare tes bagages, viens à Marseille. Et admire le paysage. On ira Marseille. Le soleil, la plage, prépare tes bagages, viens à Marseille. Et admire le paysage. Marseille, ma ville, avec son accent mythique, ses rues pleines comme vides. Ce soleil qui lui donne vie et qui donne envie. Marseille, c'est les balades à la rue, c'est fait la plage et ses filles qui font bronzage au Prado, cette ville. D'Eldorado, ces petites pompes qui défilent avec leur sale maillot. Marseille, c'est les barbecues à la mer avec plein de clito. Les parties de foot, concours de pétanque, histoire de mytho. Marseille, c'est les flambeurs, crâneurs amerceux. Les vieux mafieux sans merci ou ces merdeux qui à peine t'y font déjà les nerveux. Ces petits fanas de ballon, ces grosses mamas accrochées à leur balcon. Marseille c'est les jeunes qui se jouent à l'accro. Ces mecs en fumette avec leur pollen qui perdent la nitro. Marseille c'est ces barman qui nous rendent ivres. Et ce stade plein à craquer qui vibre. On ira Marseille. Le soleil, la plage, prépare tes bagages, viens à Marseille. Et admire le paysage. On ira Marseille. Le soleil, la plage, prépare tes bagages, viens à Marseille. Et admire le paysage. Direction les stacks, Ormiou, la corniche. Après la plage, l'apéro au Sport Beach. Pour finir la soirée, direction Notre-Dame. Avec vue sur la ville et du sale son dans l'écran. Prépare tes bagages, viens à Marseille. Et admire le paysage.